Circuit. Radio. Cours. Circuit. Radio court-circuit. Allô, bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes bien à l'écoute de Radio Cure Circuit. Bienvenue dans notre émission spéciale Métro Boulot Dodo. Ah, émission spéciale Métro Boulot Dodo. Métro Boulot Dodo. Dodo. Boulot Dodo. Métro Boulot Dodo. Radio Cure Circuit du 2 au 6 août. Eh bien, salut Bastien, salut Flo, salut Rémi, salut Luna, salut. Salut. Vous êtes bien sur le 97.1 FM et on commence notre émission avec d'abord un petit jeu à participer tout le long de l'émission, un cadavre exquis qu'on a commencé ici. Et qu'il faudrait faire tourner à tous les participants de ce soir pour raconter une histoire tous ensemble qu'on lira à la fin de l'émission. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'est pas tout seul dans la caravane. Il y a plusieurs auditrices et auditeurs qui nous ont rejoints directement sur le plateau. Laisse le mystère. Et on va vous proposer un petit jeu qui dure tout le temps de l'émission pendant une heure. Et ensuite, on fera la lecture donc, de cette histoire que vous avez inventée. En fait, Bastien, je voudrais te reprendre. C'est pas vraiment un petit jeu, mais plutôt une sorte de boulot. Parce que le thème aujourd'hui, c'est métro, boulot, dodo. Et ce serait le moment peut-être de revenir sur ce terme un peu obscur et incertain. Car le boulot, c'est un nom masculin dérivé de la racine latine bocier, présenter des bosses. Ce terme s'est imposé depuis plusieurs années déjà comme le synonyme préféré des Français pour le mot masculin désignant traditionnellement le travail, le métier, l'ouvrage, la profession ou encore le turbin, voire même chez certains jeunes les plus cyniques, le bullshit job. Alors, revenons un peu sur l'histoire de ce mot « boulot » qui a fini par égaler en fréquence d'emploi le mot « travail » dans la bouche de nos contemporains de tout âge et de toute éducation, une histoire d'origine finalement relativement récente et un peu ambiguë. Alors, ça commence en 1974. Valéry Giscard d'Estaing, fraîchement élu par le peuple français, souhaite inscrire la modernité et les balbutiements du néo-capitalisme dans son mandat, levant l'étendard d'une société française moderne et progressiste. Tâche pour le moins difficile quand le premier choc pétrolier, l'industrialisation, le fordisme, le taylorisme et autres néologismes du capitalisme provoquent la première vague de chômage et mettent les Français face à la triste nature du mot « travail », simple dérivé du mot latin « tripaliare », torture, tourmenté. La haute instance de l'Académie française met alors en place un comité de pensée qui se voit accorder par susdérogation la lourde tâche de rendre à l'activité même de labeur ses lettres de noblesse pour redynamiser le sus-travail. Le mot « boulot » connaît alors une apparition timide. Dans les premiers programmes de négociation entre les artisans du bois, ébénistes, menuisiers et autres charpentiers, qui remontent les boulevards parisiens, brandissant des panneaux « Donnez-nous du boulot !» En se fondant sur la graphie d'alors et en totale Camille, opposition Camille, avec Camille, l'idée... Oui, je t'arrête un peu. Pardon. Là. Sinon, on peut passer à un échauffement, non ? Un autre truc ? Oui. Non, mais j'ai presque fini. Okay. Donc, Livio, je te disais. Donc, nous sommes en 1976 et le décret boulot-boulot fait alors apparaître pour la première fois dans les textes officiels de la loi française le mot boulot. L'attestation est précieuse, certes, mais l'explication est pour le moins douteuse car la confusion persiste entre l'essence forestière et ses ramifications. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je vous propose de passer un bon moment ensemble. Nous allons faire un échauffement corporel inspiré de la danse contemporaine bruxelloise. Je vais vous mettre une bonne petite musique, vous proposer une série de mouvements que nous allons pouvoir reproduire ensemble. Vous êtes prêts ? Donc pour commencer, je vais vous proposer d'ouvrir la main droite vers le ciel, puis d'ouvrir la main gauche vers le ciel, de rapprocher ces deux mains l'une vers l'autre le plus rapidement possible, et c'est parti. On frotte, chiki chiki chiki chik. Bien, on vérifie que les pieds sont bien dans le sol, d'à peu près la largeur du bassin. Voilà, très bien, et on fait des petits cercles avec le bassin. Et voilà des petits cercles, une espèce de massage, un automassage, automassage ensemble. C'est pas souvent et ça fait du bien. Voilà, très bien, et maintenant, on prend nos petites mains et on va ouvrir le visage. Oui, c'est ça, on va ouvrir le visage vers le bas, et on va ouvrir le visage vers le haut, vers le bas. Et vers le haut, oui c'est bien, et tu vas ouvrir le visage un peu plus grand vers le bas, et un peu plus grand vers le haut, oui, et encore plus grand vers le bas, et encore plus grand vers le haut, et encore plus grand encore vers le bas, et encore plus grand vers le haut, oui c'est bien, et plus grand encore vers le bas, et plus grand vers le haut. Oui, c'est ça. Et tu ouvres ton œil gauche très grand. Et tu ouvres ton œil droit très grand. Et tu ouvres ton œil gauche très grand. Et tu ouvres ton œil droit très grand. Oui, c'est ça. Et tu mets tes épaules en l'air. Et tu mets tes épaules en bas. And you put your shoulder up. And you put your shoulder down. And up and down. And up and down. And up and down. And up and down. Et tu fais bouger tout ton squelette. Et tu mets les épaules devant. Et tu mets les épaules derrière. Et tu ouvres ton dos, et tu ouvres ta poitrine. Open the back, open the poitrine. Open the back and open the back. And open the poitrine, oui c'est bien. Et tu mets ton épaule droite devant, ou tu mets ton épaule gauche devant, ou tu mets ton épaule droite, ou la gauche ou la droite, ou la droite ou la gauche, ou la gauche ou la droite, ou la droite ou la gauche. Oui c'est ça, c'est bien. Et maintenant tu vas mettre de la présence dans tes petites mains. Oui c'est ça, tu mets de l'air dans tes phalanges. Excellent. Et maintenant tu vas mettre de l'air dans tes poignets. Voilà. Tu mets de l'air dans tes doigts. Tu mets de l'air dans tes poignets. Et tu mets de l'air dans tes coudes aussi. Tu mets l'air dans tes doigts, dans tes poignets. Et dans tes coudes. Et tu mets de l'air dans tes épaules aussi. Tu mets l'air dans tes doigts, dans tes poignets, dans tes coudes. Et dans tes épaules. Et tu relâches ta nuque. Oui c'est ça, tu relâches ta nuque. Oui c'est ça. Et maintenant tu vas prendre l'air. Oui c'est ça, très loin tu vas prendre l'air. Oui, tu vas prendre l'air à droite, et tu vas prendre l'air à gauche. Et tu prends l'air en haut, et tu vas prendre l'air en bas. Et tu prends l'air à droite, et tu prends l'air à gauche, et tu prends l'air en haut. C'est quoi cette daube ? C'est reparti. One, two, three, four. Et tu pousses, et tu pousses, et tu pousses à droite, et tu pousses à gauche, et tu pousses à droite, et tu pousses à gauche, et tu pousses ton voisin. Et non, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole, je rigole. Et maintenant, tu vas éloigner ton poignet gauche de ton dos gauche. Oui, c'est ça, très long. Et tu vas éloigner ton poignet droit de ton dos droit. Ok, maintenant tu étires le gauche du dos gauche et le droit du dos droit. Et maintenant tu vas étirer les deux poignets vers le haut. Oui, voilà, comme des hérons. Vous êtes des hérons, on est des hérons. Et maintenant, comme des hérons, on va plonger dans l'air. Oui, c'est ça, tu plonges dans l'air. Et tu navigues dans l'air. Oui, c'est ça, tu ondules dans l'air. Oui, voilà, tu voles. Tu voles, oui. Vous êtes des oiseaux. Oui, c'est ça, et maintenant tu vas ouvrir l'air, et tu vas rentrer dans l'air, et tu vas regarder à droite, et tu vas regarder à gauche, et tu vas regarder tout droit, et tu checkes ton corps. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va ouvrir encore l'air. Oui, c'est ça, tu ouvres l'air et tu touches, et tu touches, et tu touches, et tu touches, tu touches, touches, touches, touches, touches, touches, touches, touches, touches, touches. Ok, et maintenant tu touches, tu goûtes, tu touches et tu goûtes, tu touches, tu goûtes et tu sèches ton doigt, touche, goûte, sèche ton doigt, touche, goûte, sèche ton doigt, touche, goûte, sèche ton doigt. Ok les deux. Touche, goûte, sèche tes doigts, touche, goûte, sèche tes doigts, touche, goûte, sèche tes doigts, et tu touches, goûte, et tu sèches tes doigts, et tu check, check, check, check, check, check, check, check. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va prendre l'énergie, toute cette énergie que l'on vient de créer, on va prendre cette énergie, et on va la faire grandir, on va la faire monter, oui, c'est ça, mesdames et messieurs, de plus en plus haut, et tu étires vers le haut, oui, très long, et tu vas ouvrir tes bras. Tu vas ouvrir tes bras jusqu'aux épaules de ton voisin. Oui, c'est ça, et tu vas faire un massage à ton voisin. Et oui, c'est ça, tu masses ton voisin. Tu fais du bien à ton voisin te fait du bien. Alors tu vas lui masser les côtes à ton voisin. C'est ça, mais oui, tu fais rire ton voisin te fait rire. Alors tu lui masses les cuisses à ton voisin, et tu lui masses les cuisses à ton voisin. Et tu check encore. Check, check, check. Check, check, check. Check, check, check. C'était donc l'échauffement radiophonique. Et nous continuons notre émission Métro Bulot Dodo avec... notre invité Rémi, qui nous rejoint sur le plateau et qui bientôt nous parlera de son bulot à lui. Et moi, je vais vous raconter une histoire. L'histoire que je vous l'ai vu raconter, c'est celle de la bûche de métro qui est située juste devant chez moi. J'habite à Boulogne-Billancourt, juste avant le pont de Saint-Cloud. Cette bûche, je la connais par cœur dans ses moindres recoins. Ses couloirs, ses vendeurs de fruits ambulants, sa boutique de journaux de l'avenue Victor Hugo. Tous ces détails du quotidien me font sentir chez moi. Boulogne, c'est mon fief, c'est mon lit d'huillet. Et quand je prends la ligne 10 en direction de la gare d'Austerlitz, je me sens comme à la maison. Il m'arrive même de finir mon bol de Chocapic dans la rame de métro. Une fois, j'ai décidé d'aller au bulot en chaussons. C'est tellement plus chouette, la vie en chaussons. Dans le métro, d'autres que moi font la même chose. Ils se cachent un petit peu, mais moi, je les repère. Mal rasés, mal peignés, mal coiffés. Mal lacés les souliers, mal repassés le costume cravate. Mais ce qui me fait passer le temps, c'est mon rendez-vous secret à la mode piquée. C'est un monsieur qui vend des fleurs en plastique et qui attend toujours à 7h36 sur le troisième siège à droite après le distributeur de soda. Il attend là et je me demande qui peut bien lui acheter des fleurs en plastique à 7h36 à la mode piquée. Mais parfois, je vois que le bouquet blanc a été remplacé par un orange, le bleu par un jaune et le gris par un violet. Et parfois, je vois que le monsieur a mis ses chaussures en pointe. Et je me demande bien pourquoi. Un jour, je m'arrêterai à la mode piquée et je lui achèterai des fleurs en plastique, des ruches pour décorer ma bûche de métro préférée. Conto combo, aune sous bois, courbe voie, ma maison, Sarcelle, Drancy. Aubervilliers, Antony, Créteil, Épinay, Clichy, mes souvenirs de petits garçons, béton, bouton, manque de bifton, toujours trop loin de Paris, Carine. Gabarit, des mecs font clari, séparés par le périph. Tout comme vous, j'ai connu la carte orange, la Navigo, tous les tarifs. Fontenay-sous-Bois, la jolie Argenteuil, Corbeil, sonne, me donne mon rouge. Alfort, lui, Malakoff, Bagnolet, Châtillon, Melun, comme grandit loin des vrais bails. Ferraille, j'déraille, un peu samouraï, les femmes je les voyais passer. Oh ouais, je les voyais passer, séparés par les loyers. Tout comme vous, je connais tous ces agents. Immobilier soudoyé. Livré gargant, choisis le roi. Les Ulysse, maison Lafitte, colomb cachant. Tavernier d'Encours, ville peinte, la cour à Besan. Non, là, je l'ai perdu en fait, j'ai perdu le rythme. Vous êtes toujours sur Radio Court Circuit 97.fm au camping de la Vanlée. On est avec Camille et Flo et Rémi et Livio. Voilà, on est content qu'il ne pleuve pas. Pour l'instant, on est passé entre les gouttes. Et donc Rémi, on voulait parler avec toi de ton métier parce que tu es jardinier. Oui, c'est ça, je suis jardinier, oui. Alors, tu as commencé quand ce métier-là ? Oh, j'ai commencé tout petit avec mon papa, je devais avoir 12-13 ans, et la passion m'est restée, donc j'ai toujours été jardinier, j'ai toujours fait ça. Et ton papa, il était jardinier professionnel aussi, comme toi ou... Non, non, mon papa était ouvrier agricole, mais on avait chez nous, quand on était petit, on avait un potager dont on se nourrissait tous sur le potager, parce que c'était ça il y a quelques années en arrière. Et vous viviez où à ce moment-là ? Alors moi, je viens de la Seine-Maritime. Je viens de côté de Aumale et Neufchâtel-en-Bray, dans 76. Et on vivait sur le jardin, beaucoup sur le jardin. On se nourrissait beaucoup du jardin. Et il m'a appris le jardin, donc j'ai toujours continué comme ça. Et alors pour toi, c'est quoi un jardin ? Moi, c'est plutôt le potager que les fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, mais je suis plus potager. J'adore cultiver et manger ma production, manger ce que je fais. Et comment il t'a transmis cette passion-là, à ton avis ? Ben, je sais pas. On était obligé de faire le jardin quand on était petit. Sinon, on n'avait pas le droit de sortir le temps que le jardin n'était pas propre. C'était la règle de la maison. Et voilà, et après, c'est devenu une passion. Et est-ce que tu peux me parler du rapport à la terre que tu as, toi, par exemple, aujourd'hui, l'endroit où tu vis, est-ce que tu pourrais déménager facilement, par exemple ? Comment tu as entretenu l'espace de jardin que tu cultives ? Déménager, non. Là où je suis, on est très bien. J'habite en Picardie, à Amiens. On a des parcelles de potager, dont les orties au nage d'Amiens, que tout le monde doit connaître sûrement, non ? C'est un très bel endroit, les ortillons d'Amiens. Et moi, je ne suis pas dans les ortillons. J'ai un grand potager de 5 parcelles où je fais beaucoup, beaucoup de jardins. C'est une passion. Et pourquoi c'est connu, les ortillons ? Parce que c'est des jardins sur l'eau où on va visiter les jardins. On va dans les jardins sur des barques. Les barques, vraiment les barques. Et dans le temps, ils amenaient tous leurs légumes en barque sur le marché sur l'eau. On appelait ça le marché sur l'eau. Les barques amenaient leurs légumes, tous les potagers amenaient leurs légumes en barque, voilà, sur le marché sur l'eau. Est-ce que tu voudrais bien nous décrire ton jardin de cette année ? Alors, cette année, c'est une catastrophe. Avec la pluie qu'on n'a pas arrêté d'avoir, c'était vraiment... Vraiment, moi, c'est la première année que ça m'arrive. J'avais mis 240 pieds de tomates. J'avais des belles tomates et tout a cramé, tout est foutu par le mildiou. Et dans le Nord, il y a 70% des jardiniers qui ont perdu leurs tomates. Je pense que c'est au mildiou. Partout en France, enfin, en tout cas par ici, c'est pareil, je pense. Oui, par ici, j'ai demandé à des maraîchers, là, c'est pareil. Toutes les tomates qui étaient à l'extérieur, ils ont tous perdu leurs tomates aussi. Et comment tu fais quand tu pars en vacances pendant tout ce temps pour entretenir ton jardin ? J'ai des amis, parce qu'on est 5-6 jardiniers dans un même endroit. On se donne un coup de main l'un à l'autre. Si, moi, quand je pars, je m'occupe de... ils s'occupent de mon jardin et eux, quand ils partent, je m'occupe de leur jardin. C'est une entraide entre jardiniers et entre voisins, ouais. Et moi, j'avais une petite question parce que nous, on tourne autour du bulot et du boulot. Est-ce que pour toi, être jardinier, c'est un métier ? Oui, je pense que bah oui, c'est un métier comme tant d'autres métiers. Et c'est une passion. Pour moi, c'est une passion. Il y a les gens, c'est la chasse, la pêche. Moi, c'est le potager. C'est vraiment ma passion. Et du coup, tu jardines aussi chez les autres ? Oui. Je fais un petit peu de jardinage chez les autres personnes, dont, ouais, des personnes... Qui ? Dis-nous tout. Non, je dirais pas qui, des personnes connues, voilà. Mais... On ne peut pas donner l'identité comme ça. Non, je dis pas, je garde... j'ai travaillé pour des gens connus quand même, assez connus, ouais. Mais je dirais pas les noms, ça, je le garde pour moi, quoi. Voilà. Et au niveau de l'entretien, t'es plutôt... Est-ce que t'es un peu... T'es très exigeant sur l'entretien ou t'as tendance à laisser les choses un peu aller ? Non, moi je suis très exigeant. Tout est fait au cordeau, tout est taillé, je taille des... Tout est taillé vraiment nickel. Il faut que ce soit super propre, super nickel. Est-ce que c'est ça le secret pour avoir un super potager ? Peut-être pas ça, non, parce qu'il y a les gens qui font de la permaculture. C'est un peu des jardins un peu en friche. Mais moi, non, je préfère avoir mon jardin bien, les routes bien droites, le jardin bien nickel. C'est pas... Chacun son style, mais moi, c'est mon style, c'est d'avoir tout fait au cordeau, bien droit. Ponctué par la caravane. D'accord. Est-ce qu'on passerait pour finir sur ce témoignage boulot sur le blues du businessman ? Oui, j'avais une dernière petite question, éventuellement la question bonus. Rémi, est-ce que tu aimes les bulots ? J'adore les bulots. Merci. Avec de la maillot, les bulots ? Ah, bien sûr, avec de la maillot. C'est ce qu'il y a de meilleur. J'ai du succès dans mes affaires, j'ai du succès dans mes amours, je change souvent de secrétaire. J'ai mon bureau en haut d'une tour, d'où je vois la ville à l'envers, d'où je contrôle mon univers. Je passe la moitié de ma vie en l'air, entre New York et Singapour, je voyage toujours en première. J'ai ma résidence secondaire dans tous les Hilton de la Terre. Je peux pas supporter la misère. Moi, es-tu heureux ? Je suis pas heureux, mais j'en ai l'air. J'ai perdu le sens de des affaires. J'ai réussi, j'en suis fier. Au fond, je n'ai qu'un seul regret. Je fais pas ce que j'aurais voulu faire. Qu'est-ce que tu veux, mon vieux ? Dans la vie, on fait ce qu'on veut, pas ce qu'on veut. J'aurais voulu être un artiste. Off. nous. Pour pouvoir crier qui je suis. Maëlys, rejoins-nous. Je l'ai voulu. Amalia, rejoins-nous. On va faire un super jeu là. J'aurais voulu être un acteur pour tous les jours changer de peau et pour pouvoir me trouver beau sur un grand écran en couleur, sur un grand écran en couleur. J'aurais voulu être un artiste pour avoir le monde à refaire, pour pouvoir être un anarchiste et vivre comme un millionnaire. J'aurais voulu être un artiste. Mmh. Fa-lou-lou, fa-lou-lou. Pour pouvoir dire pourquoi j'existe. Bon, alors j'ai remarqué qu'il y avait des légers problèmes d'orthographe hein, dans l'équipe. Donc pour remédier à ça, on a organisé une super dictée. Ah, on a du public, bonsoir. mais ça tombe bien, on a une activité à vous proposer. Vous pouvez aussi rester pour écouter, évidemment. Donc on va commencer une petite dictée. Alors Bastien, s'il te plaît, pourrais-tu être mon acolyte et m'aider dans la distribution des outils pour la dictée? Ah, c'est obligatoire. Hein. Donc pour réussir une dictée, quelques conseils de base. Rappelez-vous bien des compléments d'objets. 2 sur 20. Eh bien, on va voir si avec nous, tu as plus que 2 sur 20, Livio. Alors, quelques conseils, hein, c'est normal. Donc, Livio, écoute-moi. D'abord, il faut rester concentré et attentif. Il faut repérer les accords dans les groupes nominaux, mais aussi repérer les accords sujet-verbe. Dans ta tête, découpe les mots longs et difficiles. Et surtout, fais bien attention aux homophones. Alors, est-ce que tout le monde est prêt pour commencer la dictée? Ah, c'est pas grave. Alors, Bastien, je compte sur toi pour la fiabilité, sur toute régularité dans cet exercice. Aucune tricherie ne sera tolérée. C'est bien clair? Attention, attention. Alors... La dictée d'Hercule Poivreau. La dictée d'Hercule Poivreau. Concentre-toi, Livio. C'est parti. À la pêche au moule. Virgule. À la pêche au moule. Ah, j'ai oublié de dire. On dira deux fois les phrases pour que vous ayez bien le temps de l'écrire à chaque fois. Donc. À la pêche... Au moule, virgule, à la pêche au moule, virgule, je ne veux plus y aller, maman. aller, maman, virgule. Oh, attention, par ici, hein. On vous a à l'œil. Les gens de la ville. Les gens de la ville. Virgule. Mon prix, mon panier. Restez concentrés et attentifs, le conseil numéro 1 de la dictée. Je ne veux plus y aller, maman, Livio. Virgule. Les gens de la ville. Virgule. Ville. Virgule. Ville. Virgule. Mon prix, mon panier, maman. Mon prix, mon panier, virgule. Maman, virgule. Maman, point. Point. Point, Flo. Point. À la ligne. À la pêche au bigorneau, gorneau, gorneau. À la pêche au bigorneau, virgule. Bigorneau, virgule. Bigorneau, virgule. Je ne veux plus y aller, frérot. Je ne veux plus y aller, frérot. Les gens du camping, ping, ping. Frérot, avec une virgule après. Frérot, avec une virgule, tout à fait. Les gens du camping, virgule, ping. On prit virgule. Mon vélo, frérot. Mon... Pris mon vélo, mon vélo, frérot, virgule. Allez, on reste concentré, il reste encore un paragraphe. Et après, c'est pas grave, prends en route, Livio, accroche-toi. Et reste attentif. Dernier paragraphe, c'est le moment où il faut y aller. Et c'est pas le moment de copier, hein. Restez concentrés. À la pêche, à la languille. À languille. Guille, guille. Guille, languille, virgule. Guille, virgule, guille, virgule. Je ne veux plus y aller, mamie. Je ne veux plus y aller, mamie. Virgule. Virgule. Les virgules. Virgule. Les gens des salines. Virgule. Mais, c'est pas possible. Livio essaye de tricher sur la maîtresse. Livio, tu vas être le premier interdit de caravane. Mais déjà, je suis caravane, maman, ça se veut pas. Les gens des salines, line. Saline, virgule, line, virgule, line, virgule. Mon chour, mon tracteur, mamie. Mon chour, mon tracteur, mamie. Mon chour, mon tracteur, mamie. Virgule. Attention, hein, participe passé. Avec l'auxiliaire avoir. Attention à ne pas se faire avoir. Oh non, on répète la dernière phrase. Alors attention, on la relit une dernière fois en entier. Okay. Ah bah c'était un point alors. Mamie, point. À la pêche au moule. Virgule. Moule. Virgule. Moule. Virgule. Je ne veux plus y aller. Maman. Point. Virgule. Point. Point. Peut-être. Point virgule. Je vois rien. Les gens de la ville. Virgule. Ville. Virgule. Ville. Virgule. Mon prix, mon panier. Virgule. Maman. Point. À la pêche au bigorneau. Virgule. Gorneau. Virgule. Gorneau. Virgule. Je ne veux plus y aller, frérot. Point. Les gens du camping. Virgule. Pong. Virgule. Virgule. On prit mon vélo. Frérot. Point. À la pêche, à la languille. Virgule. Guille. Virgule. Guille. Virgule. Je ne veux plus y aller. Mamie. Point. Les gens des salines. Virgule. Line. Virgule. Line. Virgule. Mon chour, mon tracteur, mamie. Point final. point final. N'oubliez pas de mettre votre nom en haut à gauche de la feuille, ainsi que la date. Alors, on va avoir un cas d'étude, je pense, avec la feuille d'Olivio. Je sens que les yeux vont saigner. Ça m'a l'air terrible. Il fallait te concentrer. Voilà, vous avez beaucoup trop écouté Tata Flo ces derniers jours et j'ai l'impression qu'il y a eu une baisse de niveau syntaxique, grammatical et orthographique. Je suis très très inquiète des résultats. Hein. Première vue. Voilà, on continue notre émission Métro Bulo Dodo et on enchaîne avec une petite musique que nous a choisi Flo à la technique. Que ne nous a pas choisi Flo à la technique, c'est une musique que nous avons choisie ensemble. Collégialement. Et c'est une musique collégiale qui s'appelle Acera, c'est bien ça? Non, Java. On est à Java, on reste sur le métro. Ah oui, Java, on reste sur la thématique du métro. Tu fatigues, hein? C'est la fin de semaine. Quand Jacques le bon sergent garde sa bagnolette devant ma porte d'Orléans. Merdeur, un flic terne, sans odeur, raconte un monceau de clichés que tout le monde connaît, Pasteur. On s'en bat Marcel, on a le Perrault, les billons Courcelles qui font les Yana. Les cartons Favin souhaitent la bienvenue à Montparnasse, faut que j'une mes bourses, rue de la pompe. Mon piquet dans ta motte, mon galet dans tes trompes, ta châtelet pourri sans la poissonnière. C'est de la chair en ton, c'est pas du Luxembourg, fille du calvaire. J'ai attrapé de l'exhalement, c'est d'enfer. Je prends le chemin vert au lieu trocade l'héros à blanc, j'inspire le bel air. Change de commerce, ton client court dans ta cité. Pour 20 grammes de hashish par mentier, pour chercher le A, pour camarder, monter jusqu'aux Champs-Élysées, pour comme un tech sur la grande arche de la défonce. Alors laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des sons de bon rail en duplex du quête la rapée. Odéon, joue le vice et Saint-Nazaire. Laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des sons de bon rail en duplex du quête la rapée. Odéon, joue le vice et Saint-Nazaire. Laisse-toi bercy. Hey. Monsieur, votre petit... Oh, quoi, hein? Ramène pas ton Kléber, ne cherche pas les Tuileries. J'ai pas l'air à spa, y'a ce petit jeu Gabriel Ferry. Tu dis que t'es fâche, que t'as pas 5 clous. On est y, ça se voit sur ta gueule que tu portes le maillot d'Auteuil. Me fais pas gobelin, sensier de la daube en bâton. Comme des piques busquettes, on va de Barbès. T'es Louis Blanc, choisis le roi, moi je pour la reine. Port-Royal, t'as voulu la couronne, maintenant tu peux toujours tracer à Varennes. Sharon, Voltaire, pars sous la guillotine. On te retrouvera à Bastille, pas le temps de t'exiler à Argentine. Quentin, je vais du gommier ton branchant à la fourchoche, la teuté. Pour Saint-Sulpice, c'est un crimé, sentier. Puis on sait ce que tu vaux, j'ai rarement vu Pyrénées argumène. T'es condamné à errer dans le mar et faire la dragraine. T'auras beau mettre l'arrêt au mur, Sébastopol. Tu feras prendre à l'envers à la station Anus. Par Saint-Paul, Abès, le froc, Gambetta. Il te met son Jourdain, son Ménilmontant, c'est du rock. De droite dans l'Osman, t'as l'Océanie, la Clichy, tu gémis. T'es invalide, t'as le trou de ballard, enferme et je ris d'ici. Va te faire masser, n'a pas Edgar le kiné. Faut qu'on t'opéra, trop tard t'es Saint-Maur. Et je porte des lilas sur ton corps bizarre. Direction Père Lachaise, Sablon, le Champéret, dans ton nom de la ligne 13. Laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des sons de bon rail en duplex du guette la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des sons de bon rail en duplex du quête la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des sons de bon rail en duplex du quête la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Alors laisse-toi bercy par le rythme saccadé. Ma musique s'est perdue dans les couloirs. Des sons de bon rail en duplex du quête la rapée. Odéon, Junovis et Saint-Lazare. Laisse-toi bercy. Et sur ce très beau rap musette, on reprend l'antenne avec du monde dans la caravane pour continuer une petite histoire qui avait commencé il y a 2 jours déjà. On a Livio avec nous, Mia, qui va nous conter cette histoire. Maïlis aussi, qui va participer. Alors, Bastien, est-ce que tu nous redis en 2 mots les prémices de cette histoire ? Oui, alors c'était donc le mystère de Marie-Rosalie. Et Marie-Rosalie, je crois bien me souvenir. Marie et Rosalie. Et donc, Marie et Rosalie sont des jumelles. Et Marie et Rosalie, la dernière fois, donc, en fait, pour résumer l'histoire, en gros, elles ont rencontré quelqu'un, mais les deux jumelles sont amoureuses de la même personne, ce qui est quand même assez problématique. Et à ce moment-là, Marie a demandé à sa maman... Rosalie a demandé à sa maman... Rosalie est allée voir sa maman pour lui dire qu'elle était amoureuse de l'homme. Mais lui est amoureux de Marie. Mais en tout cas, à ce moment-là, Marie est enfermée à double tour dans sa chambre. Et je vous ai dit qu'il faut plutôt dire, enfin, si ça vous va, essayez d'aller dans le sens des propositions. On se dit que c'est Marie qui est enfermée, par exemple, dans la chambre. Ça vous va ou pas ? Tu préfères que ce soit Rosalie dans la chambre ? Eh bien, on est face à un dilemme. Alors, on est face à un dilemme. Écoutez, on va narratif. Dire que c'est Rosalie qui est enfermée dans la chambre. On est dans un nœud narratif. Bon, alors là, on n'arrive pas à se mettre d'accord, malheureusement. On est obligé de... Qu'est-ce qu'on va faire ? Ou alors, les deux sont enfermés dans la chambre à double tour. Parce qu'elles sont jumelles, en plus. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Est-ce que vous voulez continuer l'histoire ou pas ? Oui. Ah, voilà. Alors, on va faire la suite. Elles sont toutes les deux enfermées dans suspense. La chambre. Et puis leur maman a toqué à sa porte, à leur porte, et Marie et Rosalie ont dit « part », et puis ils se sont réconciliés et ils ont ouvert la porte. Et pour Kevin, à propos de Kevin, Kevin a envoyé un cadeau à Marine. Marie, pardon. Je suis en train de me faire gronder par mes collègues. Excusez-moi. Alors, Kevin envoyait un cadeau à Marie. C'était un œuf de dinosaure, de pterinosaure. Avec le mode d'emploi pour l'élever. Et Rosalie était jalouse. Et elle a voulu jeter l'œuf par la fenêtre. Et en voyant que Kevin était par la fenêtre, elle lâcha les mains de Kevin. Enfin, elle jeta Kevin par terre. Et pour l'œuf, du coup, l'œuf, quand elle a jeté par terre, Rosalie, l'œuf est clos et le dinosaure était sorti. Et ils ont essayé de mettre le dinosaure quête par d'autres, mais le dinosaure était un petit peu plus puissant que Marie et Rosalie. Et finalement, le dinosaure s'endormit de fatigue. Et il était bien sûr herbivore, hein. C'est pas un carnivore qui va essayer de vous manger. Hein. Et le lendemain, ils étaient toutes les deux allées au collège, et bien sûr, ils revu Kevin. Et Marie alla voir Kevin et Rosalie commença à devenir jalouse. Du coup, elle est repartie voir sa mère. Sa mère est arrivée au collège et a dit « Rosalie, Marie, cette fois, ça va trop loin. C'est toi, cette fois, qui va être enfermée dans ta chambre. » En fait, c'est Rosalie qui va être enfermée dans la chambre. Et puis, sa sœur l'a enfermé Rosalie dans leur chambre. Et puis voilà. Merci beaucoup pour votre histoire. Une histoire pleine de rebondissements. Pleine de rebondissements, pleine aussi de nouvelles espèces animales qu'on a découvertes grâce à votre curiosité éthologique. À propos du dinosaure, à cause de ses longues griffes, il a dû être envoyé au zoo. Et Marine était très triste. Merci beaucoup. On peut dire que c'est un beau boulot collectif. Boulot de, qui vient de travail, Tripalium. Mais Camille, tout à l'heure, tu ne nous as pas tout dit. Ah si, Flo, j'ai été exhaustive sur le sujet. Alors, je dois dire... Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous m'entendez? Oui. On t'entend. Okay, parce que moi, je ne m'entends pas du tout. Alors, oui, parce que le boulot... Il y a une question que tu ne t'es pas posée, peut-être. Le bulot. Le boulot, oui, mais... dont je parlais. Le bulot dont tu parlais, le bulot est-il bon pour la santé? Le boulot, tu veux dire? Eh bien, le bulot, figurez-vous qu'il est riche en vitamines B3 et B5, qui contribuent à réguler la production d'adrénaline, ça m'étonne, l'hormone du stress. C'est également un excellent Ploup. Apport en magnésium. Ploup. Avec le bulot? Avec 50... Oui, le bulot. On parle bien de la même chose, Camille. Le bulot, avec 50 bulots, vous pouvez recouvrir plus de 80% de vos besoins. Le bulot a donc des vertus calmantes. Ajoutez-le à la camomille le soir et vous dormirez comme un bébé. Autre question très prisée par les internautes. Où se trouve le bulot? Eh bien, pour trouver du bulot, il suffit de traverser la rue, Camille. Mais... En regardant Alors, bien ça, des ça deux côtés. Ça demande encore à être prouvé. Évidemment. Allez, c'est parti. On fait alors une petite chanson sur nos bulots préférés. Merci pour ces ajouts d'informations, Flo. Et comme le bulot, c'est vraiment cool, on s'écoute Acera. Que tu ne parles pas, peu m'importe que tu n'aies pas de bras, tu danses, peu m'importe que tu ne saches pas rigoler et que tu ne puisses pas m'écouter. Près de toi je me sens bien, près de toi je ne sens rien. Ma vie t'a fait comme tu es, et comme tu es poé. Ma vie t'a fait comme tu es, et comme tu es poé. Peu m'importe que tu manges de la boue et que tu ne puisses pas te tenir debout. Tu danses. Peu m'importe ta drôle de libido, tu ne respires que sous l'eau. Près de toi je me sens bien, près de toi je ne sens rien. We'll be right back. fabuleux hymne à tous les escargots des mers. Alors, pour continuer sur le bulot, je dis bien bulot, le bulot, ou Buccinum undatum, appelé suivant les régions buccin, gros buccin, buccin comestible, buccin ondé, escargot des mers, gros bigorneau, pilot, trompette de mer, chanteur, mais aussi calicoco, ran à Granville, ou ran, je ne sais pas comment ça se dit, taurillon à Cancale, quilogue dans le Finistère, baveux à Barfleur. Très beau son qu'on entend en fond. Très bon son de bulot, n'est-ce pas? Parce que, voilà, ce dont on parle, c'est le bulot. Mais Burgos Morchou au Sable d'Olonne. Burgos au Québec. Ou plus communément, donc, bulot. C'est une espèce de mollusque gastéropode prosobranche marin, très apprécié pour ses qualités gustatives. Le bulot est constitué d'un opercule, d'un siphon et de deux tentacules, et bien sûr d'une coquille. Les paquets d'œufs de bulot sont formés de nombreuses capsules nidamentaires sphériques, désignées sous le nom de savon de mer en référence à leur emploi par les marins pour se laver les mains. Le pied du gastéropode est très développé, c'est ce qu'on mange. Il devient adulte à 4 ans et peut vivre plus de 10 ans, passant de 5,5 cm à une taille qui peut dépasser 10 cm pour les plus âgés. Un bulot adulte pèse environ 20 grammes. Nous mangeons principalement le bulot avec de la mayo, mais que mange le bulot? Eh bien, il mange principalement des poissons et des crabes morts. Il est attiré par son repas par des émissions de molécules aminées perçues au moyen de son organe sensoriel, l'osphragie. Telle l'oreille aiguisée du campeur qui reconnaîtra l'heure de l'apéro au son des verres qui s'entrechoquent. La Normandie est la première région productrice de bulot de la baie de Granville et a une indication géographique protégée depuis février 2019. Le bulot est vulnérable à la surpêche et à la pollution marine, notamment à certains organostaniques, voilà, organostaniques dont le Alors là, Flo, je te laisse finir, mais franchement, c'est n'importe quoi ton histoire. T'as rien compris. Qui hein, transforme à côté de la plaque, les femmes en mâles et empêche la production de feu. Une petite recette quand même pour finir. Couper les gingembres en lamelles de 2 fois 2 mm. Oui, oui. Écraser les bulles de citronnelle. Les oui, oui, de oui. Bon, franchement, Flo, t'as compris ou pas? L'émission, c'est Métro Boulot Dodo. C'est Métro Bulot Dodo. Métro Boulot Dodo, c'est l'expression. Hein. Revenons à nos classiques. Je veux dire, en son centre, en son milieu, en son équilibre, on a bien le mot boulot. C'est d'ailleurs une expression qu'on emprunte au grand et feu poète Pierre Béarn, à ne pas confondre avec le Béarn, région située au nord-ouest des Pyrénées qui a rejoint depuis 2016 d'ailleurs la Franche et Nouvelle-Aquitaine. Et je vous propose d'ailleurs de faire connaître l'extrait qui suit, qui est tiré du poème Couleur d'usine, écrit en 1951. Au déboulé, garçon, pointe ton numéro. Pardon. Au déboulé, garçon, pointe ton numéro. Pour gagner ainsi le salaire d'une morne journée utilitaire, métrou, boulou, bistrou, mégou, doudou, zéro. Qui a donné donc suite à l'étendard Métro Boulot Dodo, qui a été utilisé pendant mai 68. Et en hommage d'ailleurs à cette lutte, je propose qu'on écoute Je refuse de travailler, une visite contemporaine de la lutte ouvrière contre le capitalisme et le travail avilissant. Interprétée par Yel. Non, je dis une bêtise. Sexy Sushi, une compagnie. Ou Rebecca Warrior. Parce que la vie, c'est une lutte. Ah, fait aussi un appel à témoignages sur toutes les problématiques de travail. Les enfants, n'hésitez pas à venir témoigner. Nous sommes de retour sur le plateau de métro Bulot Dodo. C'est enfin l'heure des vacances pour Bernard l'ermite. Ça fait des mois qu'il cherche sa nouvelle demeure estivale et il a craqué pour une coquille de crépidule pour enfin s'échapper du bulot. Sa carapace attelée à son dos, la pression des pneus vérifiée, la jauge d'essence au top, le contrôle technique dans la poche et les cartes grises en règle, une bouteille d'eau et un sandwich pour la route, Bernard a tout prévu, pas de place pour le hasard. Bernard déteste les surprises. Il est prêt à partir sur l'autoroute. Bernard est entouré de centaines d'autres Bernards qui prennent comme lui la direction de la côte normande. Tous sont très organisés, tant et si bien qu'ils se croisent sans problème. Ils vont tous à la même vitesse, chacun rêvant à des salades de camembert de la Normandie vers laquelle ils se dirigent. Jamais un Bernard ne sortirait du droit chemin de l'autoroute des Bernards. Seulement voilà qu'un pied de 30 pouces s'abat pile devant Bernard, qui pile d'un coup sec. Le pare-choc de sa crépidule est mort. Pas moyen de faire une borne de plus. Bernard s'arrête là. Il est pile poil sur la plage du camping de la Vanlée. Tout est bouleversé dans son planning de vacances calé au millimètre. Il avait prévu d'aller jusqu'au Mont-Saint-Michel. Bernard s'énerve, casse doux dans la Carlo. Il est méconnaissable. Jamais je n'aurais cru que Bernard aurait pu en arriver à ce point. Bon, Bernard se calme, il prend le temps de remettre chaque chose à sa place, avec une précision à son image. Il sort de sa demeure avec un flegme sans pareil, va à l'accueil du camping et prend le programme de la semaine. Ce soir, c'est karaoké. Et Bernard est chaud bouillant. Alors, pour le karaoké, ne partez pas comme ça. Ne partez pas comme ça, c'est karaoké. Pour le karaoké, qu'est-ce que Bernard va choisir ? Qu'est-ce que Bernard va choisir ? Peut-être une chanson qui est passée justement au karaoké de la fête du camping jeudi dernier. Le moment to must be during the wake in the camping Lavanley. Yes, I don't know if you... She went to the camping de la Vanlée with the... Karaoke. And if you know the demon of the midnight. Bref, le micro est ouvert et c'est... Les démons de... Minuit. Chanter à plusieurs. Nuit déserte, dernière cigarette, plus rien ne bouge. Juste un bas, derrière le trottoir d'un néon rouge. J'ai besoin de trouver quelqu'un. Métro. Bulot. Cachalot. Bigorno. Bateau. Râteau. Pareo. Apéro. Malibu cocao. Chapeau. Château. Beurre. Badaboumbo. Et tourneau. Carlo. Marteau. Rouleau. Rouleau. Maillot. Vélo. Pédalo. Cabot. Cerveau. Lando. Dodo. Dodo. Dodo. Dodo. Dodo. Dodo. Vaste mot. Mot masculin pour désigner le sommeil. Par la duplication de la première syllabe du verbe dormir. Le dodo est un mot qu'on qualifie aussi dans la culture orientale de mantra. C'est-à-dire que par l'expiration créée lors de la vibration des cordes vocales pour former ce mot, à la fois mot valise et note tonique, les sons émis permettent d'atteindre un stade léthargique, proche de l'endormissement profond et relaxant. Je vous propose ainsi de découvrir la gamme du do nasal, en évidemment faisant attention à vos larynx, pharynx, votre tranchée, et à tout risque de régurgitation. Bastien, Flo, vous êtes ici pour... Merci Flo pour nous avoir donné le do majeur. Oui, très très bien, très très bien. Vas-y Flo, prends en puissance, prends en puissance. Vas-y, vas-y. Quelque chose de plus nasal, Flo peut-être. Oui. Oui, oui. Vous pouvez faire les chœurs derrière, hein. Si vous voulez, c'est la gamme du dodo. La gamme du dodo, une variation en sol mineur de ronflement tonique. Plus on est nombreux, mieux on dort, c'est bien connu. Oui, Bastien, reste dans les basses. Un ténor. Un vrai ténor de la night. Flo, tu peux nous donner un peu quelque chose de gurgural, s'il te plaît quelque chose de diaphonique. Je sens en toi... Oui. Très très bien, très très bien. Est-ce qu'ici, j'entends par là des vrais candidats Pourriez-vous me donner un ronflement, s'il vous plaît, mademoiselle ? Oh, si, si, si. S'il vous plaît, on travaille notre gamme du dodo. On travaille la gomme du dodo. Ah, attention, ici, on me propose une note cochonale. Et oui, car tous les mammifères dorment. Alors, est-ce qu'ici, on aurait une proposition pour la gamme du dodo ? La gamme du dodo est ouverte à tous, elle est inclusive, interspéciste et non-genrée. Entrez dans le cercle et donnez-nous votre ronflement personnel. Le ronflement d'un papa, d'un tonton, d'un membre de la famille, dans les tentes, qu'est-ce qu'il se passe ? C'était un ronflement très très juste qu'on a eu ici. Bravo. Est-ce que j'ai l'impression que tu en as beaucoup en stock. Comment tu t'appelles ? Alice. Alice, redonne-nous un ronflement s'il te plaît. Ils sont tellement beaux. Fais-nous un solo s'il te plaît. Tu es accompagnée derrière par des ronflements légers mais ponctués. Je vais guider l'orchestre. Ok. Alice, très très belle. Quelqu'un s'est endormi et est tombé de sa chaise. J'espère qu'elle va bien. Hola, qu'est-ce que... Est-ce que tout va bien ? C'est pour Alice, en fait. tombé de son sommeil. Notre gamme du dodo, en tout cas, a pu montrer des effets fonctionnels. Il est temps peu à peu de s'éveiller. Ah ! Le karaoké a l'air de vouloir continuer, mais par ici, on dort. Et oui, on dort toujours. Et Bernard, l'ermite que vous avez suivi tout à l'heure dans notre fiction radiophonique, Bernard, lui, il ne voulait pas se coucher parce que c'est un peu la première fois qu'il lâchait les chevaux et il était vraiment ravi de cette soirée karaoké. Et il voulait vraiment pas se coucher, quoi. Il avait le feu, il était indomptable, complètement fou, Bernard, et il était vraiment très heureux. Mais à un moment donné, la raison a pris le dessus, puisque Bernard voulait quand même aller à la pêche aux moules. Et ça, c'est important pour Bernard. Et la pêche aux moules, c'est à 6h du matin. Donc Bernard, il est allé se coucher. Et il a essayé de s'endormir. Continuez. Et oui, c'est bientôt la fin de Radio Court-Circuit, Camping de la Vanlée. Traçant un arc dans la nuit. Et Bernard est noir dans sa caravane. Hop là, on enchaîne, pull up. J'extirpe ma tête hors de nos jeux dans lesquels je me crois mort. Maintenant, il s'éclate pas, il a envie de dormir là. Je suis seul avec l'or de l'eau. Sous la surface de l'aurore, je quitte le va-et-vient des âmes. De l'autre côté du plongeoir, du vacarme d'une fête foraine devenue noire. La fête noire, la fête noire, la fête noire. Dessiné par les cris, mes lunettes effilochent le spectre des fontaines. Les yeux collés au ciel, tous les visages brillent. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Le plus beau des voyages, c'est la fête foraine. Oh, la fête foraine. Il se met à pleuvoir sur le camping. Vous êtes bien mais sur les 97. Nous sommes à l'abri, venez nous rejoindre ici. Il fait sec là. Vous êtes toujours sur le 97.1 FM. Et l'humidité aide les ondes à passer dans vos transistors. Vous êtes toujours sur Radio Court Circuit, la radio qui ne prend pas l'eau. Radio Bulot, Radio Boulot, Radio Dodo, c'est Radio Court Circuit. Mais non, mais c'est qu'une petite ondée de rien du tout. Je suis sûr que dans 2 minutes, c'est fini. Il se rattrape ce matin et il se réveille à 10h. Il n'a pas du tout entendu son réveil. Encore un programme qui ne se passe pas comme prévu. Et donc, il a loupé la pêche à pied. Voilà, il a loupé la pêche aux moules. Voilà, il est un peu vénère quand même, Bernard. Et là, il y a Boris qui met un point final à tout ça et qui vient frapper à la porte de sa crépidule. Cet été, Boris passe ses vacances au camping de la plage. Boris, il aime bien la mer. Et en plus, l'été, sur la plage, c'est plein de meufs. Chichi, beignet, chouchou, Boris, cet été, il s'en fout. En programme pour Boris cette semaine, pédalo à moteur le matin, course de tongs l'après-midi et tous les soirs pour Boris, c'est discothèque. Là, ça va chauffer dans les Bermudas. Youpla, ça va chauffer dans les Bermudas. Everybody together, il fait chaud pour Boris, c'est le bonheur. Hey, Boris, c'est délire hein, ce soir, les plus belles meufs du camping, elles sont là. C'est chaud, hein. Ça va chauffer dans les Bermudas. Ce soir, grande élection de Miss Camping. Everybody en slip, tout le monde tout nu, tout à l'heure, on va plonger dans la mousse. Boris en short, c'est top moumoute. Là, ça va chauffer dans les Bermudas. Et bien, bienvenue ce soir pour le Show Me Girl en action Superstar Mix avec l'événement de l'année, l'élection de Miss Camping. On salue au passage tous les vacanciers qui viennent de nous rejoindre. Juste après l'élection de Miss Camping, on va plonger dans la mousse et vous en dire en slip tout le monde tenu. En vous rappelant également le coupard numéro 2, c'est Mirabel avec ses cocktails explosifs survitaminés. Ce soir, ça va être grave. Cette nuit c'est également de la folie parce que vers 3h du matin, vous aurez droit à la nouvelle attraction de l'été. Un grand défilé de drag queen en mobilette. Ça va être chaud, ça va déménager grave. Allez attention on y va, on tous visez vous. Youpla, ça va chauffer dans les Bermudas. Là, ça va choper dans les Bermudas. Alors, merci. Pour terminer l'émission, voilà, on est toujours. Eh bien, on avait fait, circuler. Alors que notre. Oula, notre. Ah oui. Oula, le parasol. Tu crois que veut se faire la malle. Ouais, on avait commencé à faire circuler un cadavre exquis en début d'émission. Oui, il est peut-être tout temps de le lire maintenant. Bastien, tu l'as prêt? Alors, il est là, le cadavre exquis. Alors, cette collaboration d'écriture, que donne-t-elle? Alors, voilà, c'est la feuille. On peut se la faire passer si on veut la lire tous les trois. Je peux commencer. Le métro à Copop. Du métropolitain se ça va se dédie pour le chemin de fer métropolitain venant et traversant nos villes et villages poliliers. Je m'arrête, je reprends à quoi à... Nos villes et villages poliers. Poliers, ok. C'est mon écriture. Était la scène préférée de Jacques, balayeur du métro, alors que durant sa pause, il buvait un verre de son lait.